travail à cœur, Marilyn Gomez. Bonjour à tous et bienvenue. Altos abus, c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Quels sont les principaux abus qui reviennent le plus souvent, Jean-Louis Osva? Alors moi, quand vous m'avez posé la question pour l'émission, je me suis dit, tiens, par quel bout je vais prendre ça? Puis j'ai dit tout simplement le code du travail. Et donc, j'ai pris par partie du code du travail. Et effectivement, donc, j'ai essayé de recouper ça avec mon activité d'inspecteur du travail. Et en prenant dans l'ordre des parties du code du travail, une des premières qui arrive, c'est l'abus de CDD, par exemple. L'abus de CDD, c'est-à-dire que souvent les entreprises utilisent le CDD comme période d'essai. C'est renouvelé plusieurs fois et ensuite, quand ils sont embauchés en CDI, il y a à nouveau une période d'essai. C'est tout à fait illégal, mais c'est d'une pratique totalement courante. Pareil pour l'intérim. Hein. Ensuite, il y a la question des discriminations. Alors moi, une des choses que j'avais le plus sur lesquelles j'avais le plus travaillé ces dernières années, c'était discrimination en rapport avec la maternité. Le congé maternité, notamment, générait très souvent une difficulté de retour pour retrouver son emploi. Puisque normalement, une femme qui a été en congé maternité doit retrouver son poste ou un poste équivalent. Et comme entre-temps, ils ont donné son poste à quelqu'un d'autre, quand elle revient, on lui propose quelque chose qui ne convient pas, et souvent, elle est obligée de partir. Et aussi, on lui propose quelque chose d'assez éloigné. Le fait d'avoir un jeune enfant fait que c'est très difficile. Mais j'ai fait une enquête, parce que vous m'avez demandé des exemples concrets sur ce sujet. J'avais pris une grosse entreprise, et j'avais pris qu'un petit secteur de cette très grosse entreprise, où il y avait 1000 salariés dans ce secteur, et j'ai pris un échantillon de 200. Et c'est sur 200 personnes, il y avait moitié homme, moitié femme. J'ai pris sur trois ans, à peu près. Donc, sur trois ans, ça me donnait 16 femmes qui étaient parties en congé maternité. Et donc, j'ai fait une enquête, puisqu'il y avait des plaintes au départ. Et j'ai constaté que les 16 femmes, il n'y en a pas, même pas une qui passait à travers. Les 16 avaient eu leur part variable de salaire qui était indexée sur leur temps de présence. C'est-à-dire que tout le temps où elles étaient en congé maternité, elles ne touchaient rien. Et donc, nécessairement, il y avait une discrimination de fait, comme ça, constatée. Mais il y en avait, par conséquence, deux autres. Quand j'ai regardé quels étaient les 10 plus hauts salaires dans ce secteur de 200 personnes, il y avait 9 hommes, une femme. Quand j'ai regardé les 10 dernières augmentations sur les 3 dernières années, c'est les plus hautes, donc les augmentations, c'était 9 hommes, une femme. Et jamais en première position, faut vous le dire. Voilà. Donc on voit bien que dans un premier temps, il y a cette difficulté par rapport au retour du congé maternité, mais à terme, ça pèse sur l'évolution de carrière, qui fait qu'on se retrouve avec qualification égale, des salaires qui sont disparates. Donc, puisqu'on fait payer leur temps d'absence, puisqu'elles n'étaient pas là, donc, et certains responsables que j'ai entendus dans les enquêtes me disent « Oui, mais c'est normal, on essaye de récompenser ceux qui se sont investis le plus pendant l'absence des autres. » Voilà. Donc, c'est une des discriminations. Après, il y en a beaucoup d'autres. Il y a toutes celles qui sont liées au harcèlement et aux risques psychosociaux. Il y a ensuite les abus relatifs aux représentants du personnel. On parlait tout à l'heure des accords qui sont signés au rabais, mais il y a souvent aussi des entraves. C'est comme ça qu'on relève, nous, les entraves à la consultation des représentants du personnel, voire à la liberté de circulation des représentants du personnel. On rencontrait ça souvent. Et puis ensuite, donc... chemin faisant, donc on arrive à la quatrième partie qui est l'hygiène et la sécurité. Et donc là, on retrouve tout un tas de situations abusives en matière de risque de chute, par exemple. C'est des choses qui sont très courantes, notamment parce que le BTP reste quand même l'endroit qui produit le plus de décès au travail dans les entreprises. Mmh. En premier, il doit y avoir les accidents de la route, et puis BTP intervient derrière par rapport au risque de décès dans l'entreprise. Et donc, le risque de chute de hauteur est encore très important dans les entreprises. Et souvent, ce n'est pas parce que les employeurs veulent faire du mal aux salariés, mais c'est souvent des questions de délai, qui fait qu'on ne prend pas de disposition, on va au plus vite, et puis on oublie un minimum de sécurité, et donc on se retrouve dans ces situations-là de risque. ou de l'optimisation de rentabilité à court terme, hein, pour éviter de dépenser de l'argent dans la sécurité, parce que ça coûte. En matière d'hygiène et sécurité, juste, puisqu'il y a un lien avec l'actualité, c'est puisqu'il y a eu des affaires, une qui concerne un inspecteur du travail, qui avait engagé un référé pour qu'une entreprise qui s'occupe des personnes âgées, un EHPAD, je crois, je ne sais plus exactement, qui a été sanctionné. Donc la sanction a été modulée par la ministre la semaine dernière, mais quand même, essayer de faire respecter la sécurité dans les entreprises, c'est pas si simple, hein, y compris quand on a des pressions de cette nature qui empêchent de faire respecter les droits dans les entreprises.